quelques roses à peine écloses dans mon jardin. À l'aube où la rosée se pose, je suis allé tôt ce matin. J'ai retiré une à une toutes les épines à la main et fait un bouquet de fortune avec un ruban de satin. Je lui ai écrit un poème sur un joli parchemin. Certes, ce n'est pas du Verlaine, mais les mots choisis sont les miens. Je ne suis pas dû pour la rime, mais bon, tant pis, le cœur y est. Les lettres à l'encre de Chine, à la plume, j'ai dessiné. Elle m'a invité, je me mettrai sur mon 31. Je serai dans mes petits souliers avec mon bouquet à la main. Quand arrivera le dessert, je lui donnerai mon parchemin. Je lui mettrai le cœur à l'envers et puis je lui rendrai sa main.